toi je suis resté amoureux maladroit. Je suis venu t'attendre tout comme autrefois. La doublure déchirée, le cœur à ciel ouvert. Ton parfum sur le cuir, ton amour sur ma peau. Souviens-toi, partir voulait dire rire de ces mensonges, de ces routes sans réponse. Le temps je l'ai volé pour te retrouver. Le temps je l'ai volé pour être avec toi, avec toi. Je l'ai.